On n'obtient pas la confiance par la force. Tu me verras pas faire la salope. J'ai m'écouillé ma parole. Je fais tout du rec jusqu'à la prod. Clico, c'est peine. Cupulule au gré des 4 saisons. Avec des si on pourrait faire l'histoire. Certainement pas les comptes en ce moment. Je suis perdu comme après un litre de rhum. J't'ai m'amorflé dans le miroir. Je me demande lequel est pire que l'autre, que dire. Si ce n'est qu'en ce moment, c'est pas la teuf. Disant que j'écris le même 16 qu'il m'a dit que ton dent, mon baladeur. Je vis la nuit, m'endors la tête à l'envers. Une goutte de Jack dans l'océan pour tous les guillemets noyés entre des parenthèses. Les yeux vers le ciel, je tape des moonwalks en italique zigzag. Entre les avalanches et le réchauffement climatique, je passe la majeure partie de mon temps sur un agricole. Alzheimer me guette. Merde, y'a 4 heures, c'était Parkinson. Deux cavettes et un, les rats désertent la ville. Font le bonheur des savants fous. Réside un pauvre type dans un monde qui part en couille. Tu sais, dans ce milieu de grands vicieux, pour vivre ses rêves, gros, faut cracher le bif. Jeune et ambitieux, je veux tenir les rênes comme Thomas Shelby. Yeah, j'ai la dalle à mort, prêt à faire du le sang. En plus de ça, on escaladera le fort, mais ça me perd, tu le savent. En vrai, tant que je reste dépendant, je sens que l'avenir est triste. J'oublie l'essentiel et pendance quand le sablier se vide. Hein, c'est grave, le tarot me déçoit, mais c'est plus que normal. J'ai passé mon time à barauder, ça me gêne. Faut se dépêcher, ça presse. Trop de rage à redonner sa mère avant que nos péchés se désagrègent. Il faudra se pardonner soi-même. Yeah, quand le fou passe à l'acte, ça trempe. Rien que je défraille la prod, un grand coup de katana, je la tranche. Ici, les poignées de vraie foutaise collent une tarot sensible. Ce miroir de fumée me fait tousser, pire qu'une carreau sans filtre. La route paraît longue sans fin, mais si la peur quitte nos vides, on se bouffera les ongles en vain pendant ton foie.